Bonjour à l'écoute du journal sans papier de Radio Panique sur 105.4. Un journal sans papier que nous enregistrons ce mardi pour le diffuser vendredi à l'occupation de l'ULB. Et un journal sans papier que nous commençons donc à l'ULB en compagnie de Madame Benny et Monsieur Wad, qui sont tous les deux représentants de l'UDEP ULB. Donc on va essentiellement évoquer une action qui va avoir lieu demain, mercredi. Et j'aimerais également qu'on puisse parler donc de l'occupation d'ici de l'ULB. Je passe d'abord la parole à Madame Benny. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'occupation ici ? L'occupation, à l'occupation, nous sommes plus ou moins 500 et quelques. Donc... Ça fera près de 3 mois que nous sommes là. On a commencé à Electrabel. Après Electrabel, on est venu occuper ici à l'ULB. Tous les gens qui occupaient à l'ULB, à Electrabel, ils sont venus ici. Il y a eu d'autres aussi qui sont venus s'ajouter avec nous. Oui. Par exemple, comme les Iraniens, ils n'étaient pas à Electrabel, mais ils sont venus se jeter avec nous ici. Avec le soutien des étudiants, ils nous ont accueillis ici. Il y a eu le comité de liaison qui ont accepté que nous puissions... Avant, c'était provisoire. Et par après, ils ont trouvé pour une cause humanitaire. Ils nous ont laissé pour continuer notre lutte. Nous avons plus de confort par rapport à la VUB parce que nous avons les vestiaires. On a les vestiaires, même si on n'a pas tout le confort qu'il faut et tout. On n'a pas accès peut-être aux infrastructures de l'université. Mais néanmoins, nous avons les douches, nous avons les toilettes, séparément, les vestiaires des hommes et des femmes. Donc, c'est vrai, ben, on n'a pas toute notre intimité comme si on était chez nous et tout, mais ça va pour le moment. Donc, avant de revenir à vous, donc pour parler de l'action de demain, je vais peut-être passer la parole à Monsieur Wad. Donc, toujours sur cette occupation, comment est-ce que vous pourriez caractériser ce que vous vivez en ce moment ? Donc, depuis, peut-être, on peut rappeler depuis quand vous êtes à l'ULB ? Pratiquement depuis un mois et quelques. Oui, depuis un mois et quelques, on est ici à l'ULB. Par rapport à l'occupation ULB, les difficultés avant, c'était d'essayer de respecter le nombre de personnes qui devraient être ici par rapport à la capacité du gymnase, parce que c'était limité et il y avait beaucoup de demandeurs. Dans un premier temps, on a dit que comme il y a beaucoup de demandeurs, l'idée était que il faut qu'on cherche une stratégie qui était de désengorger le lieu. Oui. Alors on a fait des démarches pour avoir un autre lieu qui est la VUB, mais quand on a sensibilisé les gens, il y a beaucoup qui ne voulaient pas quitter pour des problèmes stratégiques, soi-disant que ici c'était plus visible, alors ils ne voulaient pas partir. Mais finalement, on ne les a pas convaincus et ils sont partis là-bas. Donc ça, c'était un problème. Et le deuxième problème qui s'est ajouté à cela, il y a eu des Iraniens qui étaient venus, et comme l'a dit madame, et qui cheminaient dans ce même... genre d'idée, quoi, soit disant que ici c'était le lieu. Alors on a tout fait pour qu'ils comprennent et qu'on cherche avec une nouvelle solution pour une autre occupation. Mais finalement, avec des interventions et quelques démarches de certains des occupants, avec quelques-uns aussi qui sont ici, que je ne vais pas citer leur nom dans l'ULB, ils se sont arrangés pour les réintégrer dans le groupe. Ce qui a fait quand même. Causé beaucoup de mal à l'occupation, mais finalement on a surmonté à cela, quoi. Finalement on les a rejetés et maintenant on vit dans une complète entente, quoi. En ce moment là, ils sont là, ils sont intégrés entre nous les Iraniens. Okay. On les a enregistrés et maintenant c'est le calme. La dernière manifestation, on a manifesté tous ensemble. Est-ce qu'il y a une grande diversité entre vous? Ah oui, il y a beaucoup de diversité parce qu'il y a des Maghrébins, il y a des Équatoriens, il y a des Africains. Et l'Afrique, c'est un continent, c'est pas comme le Maghreb. Le Maghreb, peut-être, c'est un sous-continent, mais l'Afrique, c'est un sous-continent. Parce qu'il y a des Maghrébins qui ne comprennent pas que ce sont des Africains. Ah. Or, que le Maghreb, il est entre l'Afrique et l'Europe. Donc, tu vois, la diversité, elle est là, quoi. Plus les Iraniens, plus les Pakistanais. Donc, il y a vraiment beaucoup de diversité. Il y a des hommes et des femmes aussi. Donc, toutes les origines, quoi, sont représentées ici. Et vous arrivez à vivre en bonne entente, ce qui est quand même une performance quand on sait que c'est pas toujours facile. On rappelait la semaine dernière que la Belgique dépense beaucoup d'argent pour subventionner des associations qui promeuvent la multiculturalité, tout ça, et qui n'arrivent pas toujours à mettre en place des choses. Et vous, pratiquement, vous arrivez à vivre dans la diversité comme ça. Oui, ben ici c'est-à-dire c'est le nombre qui cause beaucoup de dégâts, quoi, parce que ce que la Belgique finance, c'est dans des zones où il y a surtout, c'est pas entre des sans-papiers. Ici, chacun vient avec sa différence, mais avec un problème. Donc, multiplier les bonnes solutions, c'est pas pareil avec si on multiplie les problèmes. Or, ici, c'est les problèmes de chacun. Chacun amène son problème, et ça, le fait de les gérer ensemble, ça, quand même, c'est un grand problème. Ouais. C'est pourquoi, de début, toujours, on a des problèmes de représentativité, comme on a fait pour élire un bureau. Mais finalement, on s'est entendu, on dit que chaque communauté, on va prendre un ou deux. Comme ça, on va former un bureau qui, une fois qu'elle est assise, elle va parler au nom de tous les équipants. En oubliant son identité elle-même, que tu sois d'origine maghrébin, africain, une fois que tu es dans le bureau, tu es là pour les occupants, pour les sans-papiers. Donc, ça, c'est un effort qu'on a fait, mais c'est avec beaucoup de difficultés. Parce que les mentalités ne sont pas les mêmes, les niveaux de culture ne sont pas les mêmes, les niveaux d'éducation ne sont pas les mêmes. Alors, ça, quand même, ça crée un sacré coup de tort, quoi, à l'occupation, quoi. Mais quand même, on a surmonté à tout cela. Parce que l'intérêt était le même, le but était le même, c'était d'avoir des papiers. À chaque fois qu'on le rappelle, alors on fait revenir les plus réticents à l'ordre. Si on sait que nous tous, on est ici pour les papiers, quelquefois notre divergence, on finit quand même par laisser les petites choses qui fait notre différence et se concentrer sur ce qui est commun à nous tous, c'est-à-dire d'avoir les papiers. Et pour cela, il faut être fort, il faut être uni, il faut former un groupe, quoi, un groupe homogène. Ouais. Combien vous êtes à être comme ça représentant, disons, à avoir ce statut particulier, j'imagine, de devoir représenter, donc d'organiser un peu l'occupation? La représentation. Mais combien vous êtes de représentants comme ça? Ah, mais puisqu'il y a presque 25 nationalités, il y a au moins plus ou moins 10 représentants. Oui. Et comment se passe l'organisation concrète? Je veux dire, quand il faut communiquer quelque chose, etc., comment vous procédez? Ah oui, on procède par les assemblées générales. Oui. Après que les représentants aient rencontré, soit les politiques, soit les comités de liaison. Et le soir, il y a une assemblée générale pour transmettre tout ce qu'ils ont pu parler, débattre, comme démarche le soir. Quels sont vos rapports actuellement avec les autorités de l'ULB? Nos rapports sont très bien. Ça se passe bien. Avant, c'était un peu tensionné parce qu'on était souvent, on était toujours, on n'avait pas les pieds sur terre. On savait que le 5, on doit partir d'ici et tout ça. Mais quand il y a eu la réunion avec la CIRE et tout, et l'ULB, ils nous ont rassurés qu'on pouvait rester, personne ne pouvait nous mettre dehors pour continuer notre lutte. Et depuis, quels sont les rapports que vous avez? Je veux dire, est-ce qu'il y a eu des rencontres, des actions de l'université, par exemple, pour vous intégrer plus à l'université ou pour... Si, on s'intègre plus à l'université, mais c'est vrai, il y a d'autres choses qu'on n'est pas, on n'a pas accès à tout ça, mais les rapports sont très bons. Oui. Et le rapport avec les étudiants, alors, est-ce que vous avez reçu beaucoup de soutien ou est-ce que c'est un peu comme à la VUB où la période d'examen fait que les étudiants ne sont pas beaucoup sur le campus? Les étudiants sont toujours présents, mais pendant la période des examens, il faut qu'on les comprenne parce qu'ils doivent étudier pour préparer leurs examens. Là, ils sont un peu absents, mais après les examens, ils vont revenir parce qu'ils sont tout le temps ici pour nous soutenir. Avant donc de parler toujours de l'action de demain, je voulais revenir aussi avec vous sur l'action que vous avez menée la semaine dernière, savoir ce que vous en aviez pensé et si vous aviez eu Des résultats par rapport à ça, peut-être, Monsieur Wade? Pour l'action du 9, c'était le 9, hein, on était chez le bourgmestre. Mm-hmm. C'était pour lui faire part de notre situation ici. Mm-hmm. Et la première occupation était que depuis qu'on était ici jusqu'à présent, il y a des gens qui étaient des demandeurs d'asile et qui avaient quand même une certaine traçabilité ici dans le royaume. Par contre, il y a d'autres qui sont des sans-papiers, mais très clandestins parce qu'ils n'avaient pas de traces au niveau de l'issue des étrangers. Et cela posait problème pour que, quand ils voulaient faire un dossier, il faut qu'il y ait une adresse. Et on avait vraiment cette adresse-là. Mais à l'issue de cette réunion-là, avec les négociations qu'ils ont faites avec eux, ils ont parvenu avec les responsables ici de nous donner une adresse. C'est le numéro 50 Franklin Roosevelt 166-25 1050 Bruxelles. Donc à partir de là, je crois que c'est une issue. Le reste maintenant, c'est ce qu'ils peuvent nous aider concrètement dans l'action. De toute façon, ils disent qu'ils sont sensibles à notre lutte. Et ça aussi, c'est un soutien moral, quoi. Donc je vois que c'est quelque chose. Comment est-ce que vous voyez disons la suite au niveau de l'occupation? Est-ce que vous avez des revendications, je veux dire, par rapport à cette occupation, à part le fait qu'elle cesse et que vous ayez vos papiers, je veux dire, mais est-ce qu'il y a encore des choses qui vous manquent? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être faites en plus? Par rapport à l'occupation, il y a des choses toujours qui manquent, mais quand on est demandeur, on ne peut pas exiger ce que l'on veut. De toute façon, quand on laisse sa famille, quand on laisse son logis pour passer la nuit ici, quelquefois 2 jours, 3 jours d'affilée sans sortir, c'est qu'on n'a pas trop de choix, quoi. Mais les choses qui manquent sont d'ordre matériel. Par exemple, ici, par rapport au nombre d'occupants, les douches ici ne sont pas suffisantes. Parce qu'il y a si on te dit qu'il y a 2 WC pour 300 personnes qui passent ici la nuit, donc c'est un problème. Heureusement, pour les femmes, ce n'est pas le cas parce qu'on a pris un local pour les femmes seules, et eux, elles sont moins nombreuses que nous, quoi. Donc ça s'arrange mieux de ce côté-là. Mais pour les hommes, quand même, c'est un problème. Deuxièmement, pour à manger, on a ça par contre-goutte, quoi. Edith est bien mieux placée, parce que même le pain quotidien, là, avant, c'était elle qui amenait ça. Donc elle va vous répondre là-dessus, mais c'est pas quand même trop suffisant. Des fois, tu restes 2 jours, 3 jours sans rien qui rentre. Les gens sont obligés de partir. Donc si on avait les moyens au moins de nous accepter ce qui n'est pas facile dans le restaurant de l'université, peut-être, même si c'est un ticket repas par jour, ça rendrait beaucoup. Ça nous éviterait de faire la cuisine ici. Faire la cuisine, ça peut péter des câbles, ça peut faire des circuits, des courts circuits, des incidents comme ça. Et chacun un repas au moins par jour qui est garanti, mais ça, on ne l'a pas. Donc ça fait partie des problèmes qu'on a. Mais celui qui n'a pas sa mère, il est obligé de têter sa grand-mère. Voilà. Merci. Alors peut-être, oui, effectivement, je vous repose la question. Par rapport à l'organisation, donc effectivement, il y a des problèmes, des questions en tout cas d'approvisionnement qui se posent. Oui, on a beaucoup de problèmes d'approvisionnement parce que on est sans papier, on ne travaille pas, on est sans ressources et tout. Ben, on n'a pas accès aux infrastructures de l'université. On n'a pas droit au repas, mais on avait demandé, on a fait un appel aux politiques par le biais du monsieur Elio Di Rocco. Mais jusqu'à là, on attend toujours la réponse. Donc, on se débrouille. On a des organismes, des petites associations qui me contactent, donc qui sont en liaison avec moi. Donc pour aller prendre les vivres et tout. Mais on a beaucoup de difficultés. On n'a pas de voiture, eux ce sont des petites associations, ils n'ont pas aussi de véhicule pour nous aider, donc il faudra à nous de chercher un véhicule pour aller chercher les vivres et tout. Par exemple, le soir, on a une boulangerie qui nous donne du pain, donc là on se débrouille parce que c'est dans le quartier, avec les occupants, on va récupérer le pain pour qu'au moins les gens puissent avoir de quoi manger. Mais c'est vraiment difficile parce que chacun de nous, en journée, il y a d'autres qui sont là des journées entières, mais ils n'ont rien à manger et tout. Mais néanmoins, on se débrouille dans l'ensemble. Si quelqu'un a quelque chose, on se partage ensemble. Oui. Bien. Bon, peut-être qu'on peut donc maintenant parler un peu de l'action qui va se dérouler demain. Peut-être M. Wade veut la présenter. Qu'est-ce qui va se passer demain alors? Demain, on a prévu de passer chez le parti du mouvement des réformateurs, MR, pour leur mettre au courant de notre situation, leur demander quand même le soutien qu'ils peuvent nous aider et qu'est-ce qu'ils pensent de notre lutte, quoi. Donc on sera là-bas, on va voir ce qu'ils vont faire, on va faire une marche et on va mobiliser tout le monde à ce qu'ils viennent, à ce qu'ils soient sensibles au dossier des sans-papiers, en général pour le dossier de l'immigration, quoi. Mais on ne sait pas, je crois qu'ils vont nous recevoir, hein. Je crois. Vous n'avez pas un rendez-vous à proprement parler, si? Mais si, on a un rendez-vous, c'est l'UDEP qui prend toujours les rendez-vous, il prend la permission avec l'autorisation de la manif, avec la police et tout. Le lendemain, nous, on part, si on part, on manifeste jusqu'à là-bas. Alors on désigne au hasard si trois ou quatre parmi les responsables qui vont rentrer et parler avec eux. Alors quand ils sortent, ils nous font un compte-rendu. Mais je crois que ça va se passer bien, je crois. Parce que je crois qu'ils sont là pas pour le peuple. Et quoi que nous faisons partie du peuple maintenant, quoi que nous sommes sans papier, je crois qu'ils vont... À l'issue de cette interview-là, il y aura quelque chose, je crois, on l'espère. Où est-ce que se trouve le siège du MR, vous savez? Rue de la Loi. Rue de la Loi, non. Le siège de l'UMR se trouve aux côtés du palais de la justice. C'est non loin, entre l'hôtel de Monet et la station métro Louise. Donc le trajet se passe de l'ULB jusque là-bas? Non, le trajet va commencer au palais de la justice et puis on va aller jusqu'au siège de l'UMR. Parce que c'est de là qu'on a reçu l'autorisation. Et donc il y aura les gens de la VUB et les gens de l'ULB? Oui, on va tous venir et comme ça on va... Parce que la lutte c'est la même, hein. VLV ici c'est pareil. Hein. C'est qu'ici on ne pouvait pas contenir tout le monde, on a ouvert là-bas. Mais nous, pour nous, on est tous des sans-papiers, on est tous des occupants. Hein. Voilà. La lutte c'est la même, hein. C'est la même cause. Quoi. On va bientôt démarrer, on va demander alors aux personnes. Donc on va aller au MR, il y a une délégation là-bas qui va être reçue par la ministre de l'Emploi. Donc c'est une femme, donc c'est important que les porte-parole femmes rentrent dans la délégation. Juste avant, on va passer devant chez notre avocate, on va aller lui dire bonjour aussi. Et comme ça, on continue notre tour des partis. Aujourd'hui, on va voir le premier parti du gouvernement. Après, on ira voir le CDH, on ira voir le CDNV, on ira voir Turtelbaum, on ira voir tous les partis. Ouais. Et donc, on est dans l'étape où on va revendiquer la régularisation de nos dossiers. Si le gouvernement ne met pas d'autres choses en place, le 22, on arrive chez Turtelbaum avec nos dossiers et d'ici là, on fait le tour de tous les partis pour mettre un maximum de pression sur ces dossiers. Voilà, donc c'est très important. Félicitations à tous ceux qui sont ici. Bravo à tous. Les revendications de l'UDEP, c'est de... Il y avait un circulaire qui devrait sortir, mais ce circulaire-là n'est pas sorti. La ministre qui l'a, son argument n'est pas très clair, quoi. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, le minimum, c'est de respecter au moins la circulaire qu'il avait promis. Si cette promesse-là n'est pas respectée, nous, sans papier, nous voyons seulement... La seule chose, c'est d'occuper jusqu'à ce qu'on régularise notre cas. Et si le cas ici est régularisé ainsi, cela veut dire qu'il y aura une continuité. Toujours, il faudra occuper pour être reconnu. Donc, ce serait mieux et pour les occupants et pour le gouvernement de faire sortir la circulaire, savoir qui peut être régularisé avec des critères très clairs. Comme ça va désengorger tout le monde. Et la meilleure façon aussi de contrôler aussi l'immigration. Eux, ils veulent contrôler l'immigration, or qu'ils n'ont même pas identifié les gens qui sont dans le territoire. C'est fou. C'est fou. C'est contradictoire. Quand tu veux contrôler quelque chose, au moins, il faut savoir à qui tu as affaire. Sinon, tu les laisses au gré, c'est pas de la rue. Quelques-uns vont faire le maximum pour s'intégrer, d'autres vont ce qu'ils peuvent pour survivre en travaillant au noir, en faisant des trucs qui n'est pas autorisé. D'autres vont aller à l'extrême, à rentrer dans des réseaux de trafic de drogue pour survivre. D'autres, ils vont faire pire choses encore. Donc, la meilleure façon, même pour le gouvernement, c'est d'identifier les gens. Et pour les identifier, il faut les régulariser. Parce qu'il faut savoir qui est sur ton territoire. Ne serait-ce que pour être tranquille avec lui. Il a une adresse, tu sais dans quel quartier il habite. Le lendemain, quand il y a un problème, on sait que c'est tel qu'il a fait. Mais comme ça, on ne sait pas ce que cela va créer, hein, avec le monde maintenant comme il est bouleversé, avec les esprits échauffourés, là, avec les justices au niveau international, avec tout. Donc si on ne connaît pas les gens, peut-être il y aura même des gens, à force de désespérer, ils disent « je vais faire le pire pour être en prison ». Parce qu'actuellement, il est mieux d'être en prison que d'être dans une occupation. Ceux qui sont dans les prisons aujourd'hui, ils vivent mieux que nous qui sommes ici dans les occupations. Est-ce que vous le connaissez? C'est vrai, hein? Celui qui est dans la prison, même qu'il a fait un crime, ou bien tu fais n'importe quoi jusqu'à ce qu'on te prenne, on te enferme en prison, tu vis bien que celui qui est ici dans l'occupation. Passer deux jours sans manger ou bien travailler, c'est pas à 5 euros de l'heure, alors qu'on travaille à 15 ou 16 euros de l'heure. Ça, mieux vaut être en prison. Donc, à force de désespérer, on peut être tenté à faire l'extrême, quoi, pour dire que comme ça va pas, alors ça n'a qu'à s'arrêter là. Ça fait pas longtemps que je suis ici en Belgique, mais j'ai vu ici des Belges qui se suicident en tuant leur enfant parce qu'ils craignent le malheur qui va leur arriver. Donc tu vois tout cela, quand tu vois tout cela, mets-toi dans la tête maintenant quelqu'un qui est ici, il te reste ici 10 ans, il n'a pas de papier, il n'a aucun avenir. Il ne peut même pas travailler, il ne peut même pas bouger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je vais faire le mal, le plus mal possible, au moins pour qu'on prenne, on me met en prison et on va me garder. On va me garder, je vais vivre au chaud, j'ai un lit, j'ai une douche à côté de moi, je mange. Quand il n'y a pas la peine de mort ici, on ne te tue pas. C'est ce que j'ai dit, c'est, moi je l'ai analysé comme ça. Hein. Donc il y a des gens peut-être qui vont être amenés par cette insouciance-là de l'État là, à faire le pire. De toute façon, ils ne peuvent pas avoir plus que cette vie-là qu'ils mènent quand on les met en prison. Donc, pour le gouvernement, la meilleure façon, quand même, devrait être de passer sur le problème des sans-papiers et les régulariser. Et d'autant plus que c'est des gens qui sont prêts à travailler, qui ont de la matière grise, qui ne sont pas des ennemis comme on les prend, comme on les considère. Une personne ne peut pas être un ennemi pour l'être humain, c'est pas possible. Chez nous en Afrique, on dit que la personne est le remède de la personne. Donc la personne et la personne sont complémentaires, quoi, parce que chacun est complet. Donc eux, s'ils voient que les émigrés ou bien les sans-papiers sont une menace pour le peuple, je me demande dans quelle école ils sortent, quoi. Nous n'avons pas fait l'école, nous n'avons pas la chance de faire les universités, mais on sait que la personne est le remède de la personne. Voilà. Peut-être qu'ils ont été dans une école où on leur a appris que l'homme est un loup pour l'homme, qui est une conception très occidentale des rapports sociaux. Oui, mais celui-là, il a une mauvaise intention, parce que quand tu considères ton voisin d'une manière positive, il te considère d'une manière positive. Mais quand tu le considères comme un loup, cela veut dire que toi-même, tu es un loup. Il faut voir en chaque personne, celle-là, elle peut être meilleure que moi. Quand chacun se disait cette chose-là, au moins, le monde vivra mieux, quoi. Mais quand tu dis déjà, tu vois une personne, tu le préjuges. Avant de la même connaître, tu dis que celui-là est un loup. C'est toi-même qui es un loup. Ben oui, moi je partage le même avis que M. Wad. Parce que autant mieux régulariser les gens que de les laisser comme ça. C'est en ce moment-là que les pires arrivent. Parce que les gens restent 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans une vie, sans un travail. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'à faire du pire. Alors autant mieux être peut-être en prison que d'être dans l'occupation et rien faire. Et moi, je partage la même vie que M. Wad. Alors, il y a les gens qui sont déjà ici, qui ont déjà coupé plusieurs années, comme nous autres, 10 ans, sans papier. On a pu faire les formations ici. Je suis pédicure médicale, donc podologue esthéticienne, mais je ne peux pas travailler et tout. Alors, voyez un peu. Mais il y a d'autres peut-être qui ne vont pas raisonner comme moi. Ils vont penser au pire et tout. Aller faire du n'importe quoi pour pouvoir survivre et tout. Autant mieux les régulariser, ils pourront pouvoir travailler et contribuer aussi. Contribuer dans la société. C'est ça. Alors, on parle de l'immigration choisie et tout ça. Mais Moi, je trouve que c'est pas une bonne idée. Il y a déjà les gens qui sont sur place, il faut d'abord s'occuper d'eux, au lieu de faire une immigration choisie. Donc, je ne sais pas comment eux, les politiques qui voient ça. Eh bien, nous, ce que nous demandons au nouveau gouvernement, d'appliquer l'accord gouvernemental est là, de faire sortir la circulaire afin que tout le monde soit régularisé. Ça fait 10 ans qu'ils ont régularisé. Mais 10 ans, ils ne peuvent pas laisser les gens 10 ans coupés dans cette situation. Alors nous faisons appel à Madame la ministre, vraiment, c'est une femme. Elle doit avoir un cœur de mère, un cœur sensible. Je ne sais pas comment elle pense de cette situation. Elle n'a jamais vécu, elle n'a jamais vu comment les occupants, comment les gens vivent dans les occupations. Moi, j'aimerais qu'un jour, puisqu'elle puisse avoir son courage de venir visiter quand même les occupations, si vraiment elle pouvait supporter ça avec des enfants dans des conditions comme ça, qui ne peuvent pas dormir à temps, qui n'ont plus de vie, qui n'ont plus d'intimité. Bon, ils confondent tout, l'heure du soir et l'heure de la journée. C'est pareil pour ces enfants-là. Donc c'est une jeunesse vraiment qui est détruite, qui est volée et tout. Alors, qu'elle prenne de son cœur vraiment le problème des sans-papiers, qu'elle décide. Avant, elle avait dit, quand on nous a expulsés à l'Ectarbel, elle a fait une interview dans le journal, elle a dit que c'était Yves Leterme. Maintenant, le gouvernement est changé. Ben, nous voulons lui prendre par ses mots. C'est pour ça on ira la rendre visite le 22 pour saluer son action gouvernementale par rapport aux sans-papiers. Et l'action de demain, on ira aussi voir les libéraux, parce que nous savons que les libéraux, ils sont aussi là pour que le circulaire ne sorte pas. Ben, nous, on n'a rien à voir avec eux. Nous sommes que des sans-papiers. Nous ne pouvons pas être les victimes des politiques pour leur guerre des élections et tout ça. Ils n'ont qu'à libérer le circulaire et nous sommes prêts pour travailler. Donc cette lutte est pour tout le monde, c'est pour tous les sans-papiers. Nous faisons aussi appel à tous les sans-papiers, même ceux-là qui ne sont pas dans les occupations, de venir soutenir l'action, parce que c'est l'action que nous défendons, c'est pour tous les sans-papiers, afin que la circulaire puisse sortir et que tout le monde puisse être régularisé. Je souhaite que vous soyez entendu et que vous soyez aussi entendu par les gens qui auraient tendance à oublier que la personne est le remède de la personne. On peut aussi faire appel à tous les soutiens qui peuvent venir organiser des activités ici et faire que vous soyez d'autant plus visible et que la question des sans-papiers soit à l'ordre du jour au niveau national. Quoi. Voilà, je vais peut-être passer la parole à d'autres occupants en allant peut-être les chercher dans l'espace du gymnase. Je ne sais pas si on arrivera à s'entendre ou s'il y a des gens déjà. Solidarité avec les sans-papiers. Bonjour. Donc voilà, vous êtes en train là de préparer l'action de demain, je pense. Oui, oui, nous sommes en train de préparer l'action pour demain, les 14. Et on va aller au siège des maires pour essayer un peu de crier, de dire que voilà, ils ont signé un accord et ils devaient respecter cet accord. Mm-hmm. Voilà. Vous êtes ici depuis le début de l'occupation? Oui, oui, oui, c'est nous qui avons commencé l'occupation. On a commencé par Cosmos. Cosmos que nous avons équipé des jours symboliquement l'église de Saint-Maclay à Anderlecht. Et après là-bas, on a été à Electrabel et c'est nous qui avons été expulsés à Electrabel et arrêtés par la police fédérale. Oui. Vous avez été arrêté ou... Oui, oui. On a été arrêté au nombre de 21 personnes. Hein. Ah oui. Et malheureusement, c'était les bourgmestres qui avaient fait beaucoup de pression pour qu'elle puisse être libérée. Mm-hmm. Et on a été libérés grâce aux bourgmestres et aux autres occupants et les étudiants et les voisins qui sont venus nous soutenir pour les combats. Oui. Et donc, vous avez occupé ici. Et comment ça se passe alors, l'occupation ici à l'ULB? Oui, depuis nous sommes ici, ça se passe un peu dans le calme. Mm-hmm. Parce que nous sommes ici dans des cadres humanitaires. Mm-hmm. Donc, on nous a permis pour quelques temps, parce qu'on devait chercher une autre place pour nous. Je ne sais pas si c'est ici à ILB ou d'autres places, je ne sais pas. Mais on est là en attente, on attend qu'on puisse avoir une autre endroit pour nous et on va libérer les halls de sport. Pour les étudiants, puissent bien faire leur sport et leurs études. Voilà. D'accord. Vous pensez que vous allez quitter ici? On ne sait pas, mais on attend toujours. On ne sait pas qu'est-ce que le président de l'université ou l'administration, les recteurs pensent pour nous. Mais nous sommes prêts à quitter. Et ce qu'on va nous proposer, nous sommes prêts à accepter. Mmh. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a écrit, nous sommes faibles, nous les sans-papiers. Nous sommes faibles. Pourquoi faibles? Parce que nous sommes des êtres vulnérables. On n'a rien du tout comme quelque chose qui peut nous défendre. Mais malheureusement, il y a des associations qui se lèvent quand même, comme vous, des journalistes, et les radios paniques, qui arrivent pour essayer de nous interviewer, qu'on puisse un peu suivre notre problème dans les radios. Oui. Voilà. Donc vous êtes faible, mais malgré tout, il y a des gens qui vous soutiennent, c'est ça que... Voilà, nous sommes faibles, mais quand même, il y a des gens qui viennent pour nous soutenir. Voilà, Radio Panique est là, et vous êtes vraiment, vraiment les bienvenus, merci. Merci à vous. Et ça peut être les premières ou la deuxième radio qui viennent pour nous soutenir pour notre combat. Oui. Là, quels sont les mots d'ordre que vous inscrivez sur les calicots pour demain? Le mot d'ordre, c'est simple, mais comme tu as vu dans les calicots, on a bien écrit. Nous sommes faibles, les sans-papiers, nous les sans-papiers. D'autres choses, j'ai écrit tout est le boom zéro, parce que depuis qu'il est, il a pris son fonction de la ministre, donc il ne fait absolument rien du tout, parce que ce qu'on voit souvent, c'est l'arbitration. Les gens qui ne peuvent pas être régularisés sont régularisés. Les autres qui doivent être régularisés, ils sont toujours en suspens. Alors on ne comprend plus rien comment la ministre travaille. Donc voilà. Donc son compte de points zéro. Ouais. C'est toujours le règne de l'arbitraire, quoi. Voilà, c'est toujours comme ça. Et toi, tu penses que tu vas être dans les filets, mais voilà, tu n'es pas dans les filets, c'est l'autre qui passe dans les filets, donc c'est toujours comme ça. Parce qu'on a des cas qui sont les gens qui sont dans les mêmes cas. Et ils ont entré et ils ont fait introduire leur dossier dans le même temps. Et mais voilà, l'autre qui est positif et l'autre qui est négatif. Alors on ne comprend plus rien. Mais c'est quoi cette façon de traiter les dossiers des gens? Voilà. Et c'est ça, le 22, on va aller tous ensemble. Vous êtes aussi invités de venir nous accompagner. Je serai là. Voilà, pour essayer un peu d'interviewer, de voir comment ça se passe. Et le 22, là, on va déposer nos listes, nous les occupants de ILB et VIB, on va dire voilà, nous sommes là, il y a des travailleurs, il y a les gens qui sont malades, il y a toutes des catégories qui sont à l'intérieur de ILB et VIB, de sans-papiers, alors essayez un peu de faire quelque chose. Voilà. Est-ce que vous acceptez, si je vous interroge un peu à titre personnel? Oui, bien oui. Sûr. Vous êtes en Belgique depuis quand à peu près? Je suis en Belgique, maintenant c'est ma cinquième année, donc j'attaque la sixième année. Voilà. Est-ce que vous êtes arrivé... vous me dites ainsi, je pose une question qui va... Oui, est-ce que vous êtes arrivé à trouver du travail malgré le... Oui, parce que le travail à noir, on en trouve toujours. Hein. Donc c'est toujours facile à trouver du travail à noir. Mais il faut toujours faire attention parce qu'on ne sait pas quand tu seras arrêté. Donc quand tu travailles, tu as un peu de la paire et des trucs comme ça. Et voilà, c'est pour cela que tu vois les autres. Ils refusent maintenant d'aller travailler parce qu'il y a plein de policiers pour arrêter les gens, pour expulser Et c'est ça, je voulais interpeller un peu la madame la ministre qui dit, voilà, vous devez avoir un contrat de travail, vous devez avoir quelque chose pour travailler. Mmh. Mais comment un sans-papier pouvait avoir un contrat de travail alors que si il est attrapé par la police directement, centre fermé? Donc, il devait d'abord commencer à donner les permis du travail et ensuite, un sans-papier pouvait aller chercher le travail là, même s'il est arrêté par la police ou les commissaires, lui, voilà, on m'a permis de trouver du travail et je vais travailler, je vais payer mes impôts et mes taxes, voilà. L'argument qui est souvent répété du point de vue des politiques, c'est de dire on ne peut pas régulariser des sans-papiers et officialiser leur situation parce qu'il y a beaucoup de chômage déjà et qu'il faut privilégier les nationaux, etc. Mais c'est oublier que dans le monde du travail, il y a des secteurs, et notamment des secteurs où il y a beaucoup, beaucoup de travail au noir. Donc il serait peut-être intéressant si vous pouvez me dire dans quel domaine vous avez pu travailler. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs domaines, qui est dans les domaines peut-être pour aller accueillir des fruits, des trucs comme ça. Et j'ai fait aussi la formation. J'ai fait la formation de maçonnerie et la formation de carrelage. Mmh. Dommage, malheureusement, lorsque j'ai fini toute la formation, et là, toute la décision a été tombée, je ne pouvais plus continuer, donc mon procédure a été arrêté. Donc, avec la procédure de l'article 9.3, je ne pouvais pas continuer plus loin, chercher du travail parce que tout a été bloqué. Voilà. Mais il y en a beaucoup de gens qui travaillent dans les bâtiments, dans les secteurs RK. Ils sont ici avec nous, mais voilà, les autres, ils travaillaient du jour au lendemain. Voilà l'Office des étrangers qui dit, ton situation est arrêtée, donc tu ne peux plus travailler, tout est bloqué, tout. Donc, on ne comprend plus rien. Ils ont besoin que les gens puissent cotiser pour que les pensions puissent être bien payées pour les pensionnaires. Mais de l'autre côté, il dit, voilà, vous ne pouvez plus travailler. Mais on ne comprend plus rien. Quelle est l'ère politique de l'immigration et de l'asile? Parce que nous, on est là pour contribuer à quelque chose. Il y en a plein qui travaillaient avant. Et jusqu'à maintenant, il y a les patrons qui appellent, mais voilà, tu dois venir travailler. Mais je ne peux plus venir parce que maintenant, je suis dans une situation tellement précaire et je perds. Si la police arrive, je dois être arrêté. Mais il y a des patrons qui signent des documents pour essayer d'envoyer dans des communes, par-ci, par-là. Ils refusent, ils disent, pourquoi pas, tu dois aller prendre un Belge qui a déjà le papier, quelqu'un qui a déjà le papier. Il dit, mais quelqu'un qui a déjà le papier là. Un Belge, parfois, il refuse de travailler parce que le travail est trop dur. Donc, voilà, dans des situations pareilles. Ouais. Je crois que c'est toujours bon de préciser un peu, parce qu'on parle souvent de la question des sans-papiers dans l'abstrait. Et concrètement, c'est une situation qui empêche de travailler, alors qu'on a tous besoin de travailler pour vivre. Mais oui, mais parfois, les politiques disent, voilà, on a déjà assez de problèmes économiques et tout consomme. Mais moi, je vais signaler une chose. D'ici des années qui viennent passer, il y a déjà des gens qui on a donné les papiers. Ils ne devaient pas prendre le CPAS. Donc, on a donné les papiers avec les conditions. Donc, ils doivent se débrouiller et trouver du travail et après travailler. Mais moi, je connais, il y a beaucoup d'amis qui ont eu les cartes de une année sans CPAS, quoi que ce soit. Ils doivent se débrouiller. Mais se débrouiller, aujourd'hui, ils sont peinards chez eux. Voilà, ils sont dans les constructions. Maintenant, ils m'invitent, venez prendre un peu du cola ou du Fanta à boire et à manger. Je dis, voilà, je suis peinard, je travaille, je gagne bien ma vie, je paye les taxes, je paye tout. Voilà, donc dans des conditions pareilles, ils peuvent le faire. Tu me donnes un an avec des conditions et moi, je vais aller chercher mon travail. Si je trouve le travail, et maintenant, c'est à vous maintenant de dire, voilà, on vous a donné, tu n'as rien trouvé, on retire notre carte. Voilà, c'est comme ça. Peut-être une proposition qui permettrait... Oui. De prouver que tous les sans-papiers, loin s'en faut, ne demandent pas à être assistés. Ils demandent simplement à ce qu'on les laisse vivre en tant que citoyens. Il y en a beaucoup qui sont ici qui ne demandent pas à être assistés par l'État. Non, ils se débrouillent déjà. Et donc, ils continueront à se débrouiller comme en avant. Mais il suffit de les mettre à l'épreuve. Tu dis, OK, voilà, on vous donne une année. Et dans une année, il n'y a pas CPS, il y a quoi que ce soit, rien du tout. Et va aller te débrouiller. Ils vont voir, il y a des gens qui sont déjà dans des boulots, donc ils vont continuer à faire leur boulot. Mais quand tu commences à donner 3 mois et tu donnes 3 mois à quelqu'un et tu lui dis tu as la possibilité d'aller prendre le CPAS, qu'est-ce que la personne va faire? Au lieu d'aller au boulot, il dit on m'a donné une occasion de prendre le CPAS, donc il profite d'aller prendre le CPAS et de rester à la maison, je ne sais pas faire quoi. Et... Oui, mais enfin, ça peut se comprendre aussi quand on a passé un an à lutter pour avoir ses papiers, ça peut se comprendre qu'on puisse aussi vouloir être chez soi, puis se reposer un peu avant de retravailler aussi. Mais peut-être pour les autres, pas pour moi. Pour les autres, pas pour moi. Non, je ne dis pas que c'est la majorité. Voilà. Pour ces gens-là qui disent, voilà, moi, je vais préférer d'apprendre un peu et de prendre du repos. Dans la vie, il n'y a pas de repos. Il faut profiter quand le bar est chaud. Donc, moi, je suis encore chaud. Je dois profiter de cette jeunesse, de travailler, d'essayer de mettre les côtés pour qu'un jour, je puisse soutirer un peu ce que moi, je fais. Au lieu de rester à la maison, ça ne vous apporte rien. Sinon, tu vas te retrouver dans la rue. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je sais pas, est-ce que vous voulez qu'on vous présente? Est-ce qu'on donne votre nom? Oui, bien sûr. Je suis Léon Zouzikanga, un délégué de communauté congolaise, les occupants de ILB. Donc, on est là, on a besoin de soutien, les 14 et 19, 22. Voilà. Donc, tous à la manif demain à 10h devant le palais de justice. Hein. Voilà. Et là, de la palais de justice, on va marcher jusqu'au siège de MR. Pour aller essayer un peu de crier parce qu'ils font toujours l'hypocrisie du voilà, on donne, on fait ça, mais en fait, ils ne veulent rien faire. Ouais. Voilà. En fait, cette émission va être diffusée vendredi, oui. Donc l'action sera déjà passée, mais on peut déjà d'ores et déjà appeler donc, pour le 22 aussi. Oui, bien sûr, le 22, on a besoin beaucoup de Belges parce que nous, notre souci d'avoir beaucoup de Belges à côté de nous, comme vous, parce que nous ne sommes pas dans. Oui, je sais que dans toute. Dans toutes les occupations, dans toutes les trucs pareils, il y a de mauvais gens, il y a de bons gens. Mais quand même, nous qui sommes bons, qui ne sommes pas de mauvais, on devait faire monter cette image-là aux Belges. Voilà, il y a des gens qui sont capables d'ajouter un plus à la Belgique. C'est pour ça que nous sommes là, pour ajouter un plus. Pas pour détruire la Belgique, mais pour ajouter un plus. Et c'est ça, je demande aux Belges de venir nous soutenir. Et la non-intégration d'un certain nombre de citoyens en Belgique fait partie du problème belge. Ce n'est pas une solution. On est d'accord. Les solutions des... Ce n'est pas une solution. Ça fait partie du problème belge. Oui, votre problème est au cœur du problème belge, je crois. Oui, hein, oui. Des problèmes que rencontrent et la Belgique et l'Europe en général. Parce que le fait qu'on n'arrive pas à intégrer tous les citoyens sur un pied d'égalité... C'est un vrai problème dans une société. Oui, mais ce n'est pas tout à fait un grand problème parce que tu sais, dans la société, il y a toujours des classes. Hein. Il y a une classe riche, il y a une classe moyenne et il y a une classe pauvre. Oui, mais vous êtes à l'avant-garde du traitement qui est réservé aux pauvres. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes faible. Oui. Et du coup, c'est sur vous qu'on expérimente la précarisation, le travail à très bas salaire, le licenciement abusif, etc. Quoi. Mais c'est ça, tout à fait, je voulais dire et je voulais interpeller tout le monde politique. Ils ont besoin de ces faibles-là, nous les faibles, ils ont besoin de nous. S'il n'y a pas de faibles, ils ne peuvent rien faire. Il n'y a pas de forts. Voilà, parce qu'ils ont besoin d'avoir les femmes de ménage, ils ont besoin d'avoir des gens à la resto, de faire... Donc voilà, donc, nous les faibles, on a besoin de ceux qui sont forts, et les forts ont besoin des faibles. Donc donnons-nous la main, construisons ensemble la Belgique. Ça va, c'est entendu. Merci. Bon, je vais essayer d'interroger encore une personne de l'occupation. Je me suis tourné maintenant vers un autre occupant ici à l'ULB, dont le téléphone sonne. Donc un autre occupant, la première chose que vous m'avez dite, c'est « je suis malade ». Oui. Vous êtes malade ? Oui, je suis un peu malade. Donc ça fait longtemps qu'on est à l'ULB. Donc après Chaussée d'Excel, nous sommes là à l'ULB. Et vu les conditions conditions sanitaires qui ne se sont pas appropriées à notre santé, donc je tousse depuis 2 mois. Et voilà. Donc hier, je suis transporté à l'hôpital pour faire des analyses sanguines et tout. Donc Heureusement, c'est le côté analyse, c'était très bien, mais côté santé, faiblesse, donc je suis un peu malade. Ouais. Comment ça se passe justement pour la question de la santé? Comment vous avez accès aux soins? Je veux dire, en tant que sans-papier, ça ne doit pas être tout le temps difficile. Des aides médicales urgentes, par exemple, s'il y a un cas grave, donc on appelle les ambulances qui font transporter le malade à l'hôpital. Elles font ce qu'il faut faire, donc, soit les analyses, soit de l'oxygène, ça dépend des cas de maladie. Et qui couvre les frais à ce moment-là? Hein? Qui couvre les frais? Qui paye? Ça, je ne sais pas. Vous ne savez rien? Non. On a des factures, mais peut-être ça va... C'est le patient qui va la payer, mais après peut-être la régularisation, elle, ça sera facturé sur son nom, son prénom. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, vous, de cette occupation? Comment vous la vivez, à part le fait que vous soyez malade? Qu'est-ce que vous pensez de cette occupation? Donc voilà, notre objectif là dans l'occupation, c'est bien précisé, c'est d'avoir les papiers. Donc nous sommes là occupants, en tant qu'occupants, pour défendre notre cause qui est la régularisation de notre cas. Voilà, donc puisque les articles, par exemple 9 bis ou 9 tir, n'aboutissent à rien, donc on a préféré de faire une occupation pour dire à l'État, voilà, non, nous, on est capable de faire quelque chose à la Belgique, on veut travailler, mais il suffit donc de nous donner juste une carte, un permis de travail. Est-ce que je peux vous interroger personnellement? Vous demandez par exemple, vous pouvez refuser. Hein. Vous demandez depuis quand vous êtes en Belgique par exemple, et comment vous en êtes sorti par exemple avec la question du logement. Est-ce que vous avez réussi à vous loger malgré le fait que vous n'ayez pas de papier? Je peux vous demander ça? Oui, donc moi je suis en Belgique depuis 2005. Donc je fais des. Je me débrouille côté logement et côté travail. Donc je travaille dans le nettoyage, au marché, je fais des restaurations de temps en temps. Moi aussi je suis diplômé en contrôle de gestion et en informatique, donc là tout qui va me donner un petit peu d'énergie pour résister un petit peu dans ce climat. Et voilà, j'ai des soutiens belges, j'ai des amis belges qui me soutiennent de temps en temps, et j'ai des bons contacts avec eux. Et côté logement, je loue comme tout le monde avec des amis et tout, et je paye mon logement comme tout le monde. Hein. Ouais. Mais en ce moment, par exemple, vous continuez à avoir un logement à part... Non, depuis l'occupation, j'ai arrêté de payer ce que je dois payer au loyer. Donc, je préférais de rester avec mes amis là en attendant qu'il y aurait une éventuelle régularisation. Ça ne doit pas être facile comme décision quand on rentre comme ça dans une occupation, parce qu'on... On abandonne ce qu'on a et on met tout dans la balance de la lutte, quoi, non? Ouais, mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile d'abandonner un logement et de se mettre dans une occupation, mais on sait jamais ce qui va arriver dans le futur, hein. Mais en espérant, Inch'Allah, que ça va tomber sur le bon chemin, hein. Ouais, mais c'est pas facile donc on va se mettre en dehors, mais on l'espère à personne, hein. Ouais. Et merci beaucoup, je vous souhaite un prompt rétablissement, en tout cas, d'aller mieux, quoi. Est-ce que vous voulez qu'on vous présente? Oui. Oui. Donc, présentez-vous. En entier ou en... En entier, en raccourci, comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Donc, Mustapha H de l'OLB. Donc, je suis marocain, j'ai 28 ans. Donc, je suis en Belgique depuis 2005. Je suis occupant et en attendant une régularisation pour toute l'occupation, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous les enfants immigrés. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous Laissez pas les immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous les enfants d'immigrés. Donc voilà, maintenant je parle. J'essaie d'interroger des occupants qui sont d'origine équatorienne. Et donc on est en train de se mettre d'accord sur la langue qu'on va utiliser parce qu'eux ne parlent pas français, moi je parle pas très bien espagnol. De quoi on parle? Pardon? De qué les habla? Nosotros estamos aquí por una demanda de sin papeles y pues estamos ya, ¿cuántos meses? Estamos 2 meses. Todavía no sabemos nada y queremos que nos ayuden a todos para ver que hay alguna solución o no, porque si no, no estamos aquí ya cansados de estar aquí mucho tiempo. Se fatigué tú y no, no somos malas, ya de virus, había malas tú. Y ahora entonces se hace el problema. No, ya para de carta medical, yo pago mucho dinero a la farmacia por los medicamentos que estoy aquí. Y aquí tengo que venir enferma, yo estoy aquí. Uh-huh. Y bueno, muchos problemas de salud más que todo. Uh-huh. Sí, eso. Y de la manifestación, igual en este frío salimos fuera. Se pasa el frío y todo eso nos hace daño. Uh-huh. Y el tiempo que no podemos trabajar, o sea, no tenemos tiempo mucho. Tenemos que estar más tiempo aquí y tenemos que salir a trabajar para sobre todo necesitamos dinero para sí. pagar el apartamento para nosotros sí. y sobre todo para las personas solas. Un ejemplo, yo soy sola y necesito trabajar y porque no hay quien me pague el apartamento, quien me dé de comer, entonces yo necesito trabajar. Uh-huh. Y en esa parte no es un poco difícil estar aquí, un lado, otro lado, entonces es complicado para uno mismo. Yo pienso no solo para mí, sino para todas las personas, todas, sí, para todos los que estamos aquí, todo en general. Y bueno. Estamos en papeles. Y todos. Bueno, aquí va a hablar, abre nomás después. ¿Pero qué? J'essaie d'interroger une autre personne, mais l'autre personne est tellement malade, elle a très mal à la gorge, et donc elle préfère ne pas parler. Bon. Estamos aquí todos, es por los papeles, para el bien de todos mismos nosotros, porque sin papeles no podemos trabajar fácilmente y todo eso, necesitamos para trabajar, uh-huh. los papeles, es todo. Y por eso que estamos aquí luchando, sí. todos mismos. Uh-huh. Sí. Qui paye pour les médicaments? Quand vous allez chercher des médicaments, comment vous faites? ¿Quién le paga los medicamentos? Yo estoy embarazada, tengo 6 meses de embarazo. Uh-huh. Y es muy duro estar aquí. Hablo también por las otras personas que están enfermas con la gripe, con la tos. ¿Qué más digo? Y es esto. ¿Qué digo más? Necesitamos más ayuda. Y necesitamos que nos ayude porque salir a trabajar, no puedo salir a trabajar porque no me cogen porque soy embarazada. Sí. Donc. J'ai bien compris, enfin, j'espère que vous allez me comprendre aussi. Vous êtes enceinte depuis 6 mois. Oui. Et comment vous faites pour les examens médicaux et tout ça? Pour aller à l'hôpital? Elle est gratuite. Ah. Gratuite avec le Saint-Pierre. Ah. Et le CPS. Ah, okay. Donc c'est le CPAS qui vous assiste dans cette situation quand même. Ok. Et vous parliez tout à l'heure d'aller chercher les médicaments. Et à ce moment-là, c'est vous qui avez donné l'argent. Et après, vous essayez de vous faire rembourser. Oui, si. Por los medicamentos, de lo que yo estoy enferma. Yo no tengo el CPS, no tengo ayuda médica. Entonces yo pago de mi bolsillo. Mi dinero yo pago y es mucho, mucho dinero que yo pago. Y por eso yo trabajo igual y bueno, es... Y pienso que muchas personas igual pagan su bolsillo, de su dinero. Muchas personas no tienen ayuda médica y todo eso. ¿Y cómo...? Comment ça se fait que vous ne pouvez pas avoir le CPAS comme madame? No puedo el CPS porque yo trabajo y necesito un poco de tiempo para el CPS. Y si yo cojo CPS, yo pierdo mis trabajos y por mí prefiero trabajar así porque bueno, el CPS necesita un poco mucho tiempo. Sí, mucho tiempo y yo pierdo trabajos, todo eso, entonces y como vuelvo y repito, soy sola, tengo que tener mis trabajos fijos, no perderlos para poder pagar todos los medicamentos. Bueno, de mi esfuerzo yo pago todo. Sí, sí y, todo, y no solo yo, muchas personas igual. Ah. Sí. So, muchas gracias. ¿Algo más? ¿Algo más? Sí. Bueno, por mi parte... he estado como 5 años aquí. Ah, sí. 5 años y no he podido sacar papeles y está muy difícil acá y vivo con mi hermana. Y quiero trabajar, ya también quiero tener papel, por eso estoy aquí ocupando así como todos aquí. Ojalá que ayude, o sea, más posible para nosotros. Y estamos ya 2 meses aquí y no hay resultado, nada, y quizá que hagan negocio, ¿no? Como por los papeles y para nosotros también, igual para salir a trabajar y para hacer una nueva vida, o sea, para todos, como aquí los europeos, así. Sí. Así queremos estar, no queremos estar con miedo de policía, que van a coger y así. Queremos trabajar legal, así pagar todo lo que deben pagar aquí los belgas, así igual. Sí. Así queremos estar, por eso estamos luchando por los papeles aquí, todos los que estamos sin papeles. Eso, gracias. Eso es. Muchas gracias. ¿Est-ce que vous voulez qu'on vous présente? Est-ce que vous voulez qu'on dise votre nom dans l'émission ou... Non, c'est si quieres. Si? Mi nombre. Si. Mi nombre es Luis Alberto Peralta. Soy ecuatoriano. Sí, eso. Okay. Yeah. Bueno, mi nombre es Aida. Yo estoy 8 años aquí en Bélgica. 8 años que no hago nada de papeles y es difícil porque no veo mucho tiempo a mi familia. Y bueno, eso es todo y quiero que nos ayuden lo más pronto posible porque queremos salir de aquí, porque esto no es como decir para nosotros un sitio bueno, no es, no. No. Se extraña todo igual, el apartamento, bueno, y todo. Gracias. Gracias. ¿Qué? ¿Su nombre? Mi nombre es Ana Lucía Bravo. Tengo en Ecuador, tengo un hermano que también quiere venir para acá, pero por los papeles no lo puedo traer para acá. Está muy solo. Mi padre murió hace cuando yo tenía 8 años y estoy con una hermana aquí, no estoy sola también. Estoy acompañada con mi hermana, mis sobrinas. Tengo un cuñado, tengo un poquito de familia aquí. No estoy sola. Okay. Y eso tenía que ser. Muchas gracias. Bon, c'est comme ça que se termine le journal sans papier. Sur ces paroles-là, et eh bien, j'appelle tout le monde encore une fois à participer à la manifestation du 22, et je donne rendez-vous aux auditeurs pour la rediffusion de ce journal sans papier le vendredi à 9h, et pour d'autres journaux sans papier en direct des occupations. Aujourd'hui nous étions à l'ULB, la semaine prochaine nous serons certainement encore à la VUB. Bonsoir. Papier pour tous.